Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Et si moi, j'ai pas du tout envie de vous écouter? Vous faites comme vous voulez. Il a une belle tête de vainqueur. Ah, commencez pas à m'emmerder avec ces conneries, vous, hein. Cinéma ! Mangeurs et mangeuses de peloches, bonsoir. Yann et Clarisse aux commandes de Radio Duo vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission du Ciné de Con. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathis, étudiant en droit. Comment ça va tout le monde ? Ça va et toi ? Ça va bien. Ça va, Mathis, pas trop stressé ? Non, ça va. Ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de Cannes, on va parler de films d'horreur, on va parler de langues régionales, un beau programme qui s'annonce à nous. Mais on commence tout d'abord avec les actualités. Voici le presse-conf de la journée. Pour vous accrocher, je prendrai une chaise. Ça ne vous a pas échappé, en ce moment, il y a un gros événement, le Festival de Cannes. Enfin, en Côte d'Azur, hein, il ne se passe pas grand-chose à Saint-Étienne sinon. Depuis le 13 mai, ce festival mythique est présidé par Juliette Binoche et présente les films Nouvelle Vague de Richard Linklater, The Phoenician Scheme de Wes Anderson, Alpha de Julia Ducournau, Eddington de Ari Aster, Jeune Mère des Frères Dardenne, La Petite Dernière de Afsia Herzi ou bien Eleanor de Great de Scarlett Johansson. Mais une question que vous vous posez peut-être, comment ça a été créé le Festival de Cannes ? Eh bien, c'est juste une histoire de concurrence et de résistance. Nous sommes en juillet 1938 en Italie. La 6e édition de la Mostra de Venise a lieu. Alors que les films américains font l'unanimité, deux événements viennent contrebalancer ce choix. Le premier, c'est le président du jury, Giuseppe Volpi, un fasciste revendiqué et tout simplement Adolf Hitler. Sous la pression des deux hommes, ce sera en ex aequo que les dieux du stade de Leni Riefenstahl et Luciano Serra, pilote de Goffredo Alessandrini, qui auront la récompense du meilleur film. Deux films de propagande fasciste ou naziste, car Leni Riefenstahl était tout simplement la réalisatrice préférée d'Hitler qui a fait tous ses films de propagande, et Les Dieux du Stade ne fait pas exception puisque ça parle des JO de Berlin de 1936. Et puis pour le film de Goffredo Alessandrini, il aura tout simplement la distinction la plus haute, c'est-à-dire la coupe Mussolini. Dégoûtés de la tournure du festival, les États-Unis, l'Angleterre et la France claquent la porte et promettent de ne plus y revenir. C'est alors de retour à cette édition que Philippe Erlanger imagine un festival sans contrainte ni loi, d'un cinéma libre et indépendant. Cependant, pour rappel, on est en 1938, et le temps presse pour monter ce festival. Celui-ci devra avoir lieu l'an prochain pour pouvoir concurrencer la Mostra. Les tournures s'enchaînent vite, et ce projet de festival devient une affaire d'État. Le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, est contre un tel festival car il ne veut pas brouiller les relations franco-italiennes. Tandis que Jean Zay et Albert Serrault, ministre de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, soutiennent cette idée qu'un festival de cinéma en Europe puisse s'exécuter sans influence politique. 2-1, c'est ainsi qu'en juin 1939 est annoncée officiellement la création de ce festival qui devra avoir lieu le 1er septembre, soit en même temps que la Mostra de Venise. Pas le temps de niaiser! Il faut trouver un lieu pour ce festival, et un lieu aussi classe que Venise. Biarritz, c'est le choix principal. Mais les partisans de la ville de Cannes s'entourent de Georges Prade, conseiller de Paris de l'époque, ainsi que de divers palaces cannois qui forcent la main pour que ce festival ait lieu ici. Et c'est ainsi que Cannes est élue comme la ville qui accueillera ce festival révolutionnaire. Cannes est considérée comme la perle de l'azur et sa côte est comparée à la Californie qui se prend pour Hollywood. Tout le monde s'active. Il ne reste que 3 mois pour tout préparer. Le président du festival, Louis Lumière, bien sûr, inventeur du cinématographe. Les pays participants, tous, même l'Allemagne et l'Italie, même s'ils vont décliner l'invitation. Et afin qu'il n'y ait pas de favoritisme, tous les pays participants recevront au moins une récompense. Cette année-là, 9 pays vont être présentés. Tout est prêt, mais la nouvelle tombe le 23 août 1939. Un pacte germano-soviétique a été signé. La majorité des touristes quittent la croisette. Seul Quasimodo de William de Terle sera projeté, et ce, à titre privé. Car oui, l'histoire a voulu qu'Hitler envahisse la Pologne le 1er septembre, soit le jour de l'inauguration du festival. Puis 2 jours plus tard, la guerre est déclarée et ce mythique festival n'aura pas lieu. Avec lui disparaît sa sélection qui était composée de Pacific Express de Cecil B. DeMille, Lénine en 1918 de Michael Rome ou bien un certain Magicien d'Oz de Victor Fleming. Mais ce n'est pas parce que tout y ressemble que c'est forcément la fin du monde. Durant la guerre, Philippe Erlanger va tout faire pour maintenir sa création, son festival. Et 7 ans plus tard, en 1946, il y aura enfin la véritable édition du Festival de Cannes. Présidée par Georges Huisman, elle garde les mêmes principes que 1939, c'est-à-dire chaque pays repart avec une récompense et est composée justement de 19 pays, soit 10 de plus que 1939. D'ailleurs, vous savez quel film a eu la première Palme d'Or ? Pas du tout. Non. Bon, en fait, il y en a eu 11 qui ont eu la Palme d'Or. Il y a comme Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini ou bien Tourment de Alf Stolberg, pour ne citer que deux. Voilà, le Festival de Cannes est à présent lancé. Et pour finir l'histoire joliment, l'édition de 1939 prendra sa revanche en 2002, où ce sera Pacific Express de Cecil B. DeMille qui remportera la Palme d'Or décernée par Jordan Besson. Et d'ailleurs, comment ça marche le Festival de Cannes ? Comment on y inscrit un film ? C'est quoi la différence entre la sélection officielle, Un certain regard, la semaine de la critique ou la quinzaine des réalisateurs ? Pour commencer, pour inscrire un film, il faut qu'il ait été produit les 12 derniers mois précédant le festival. Le film doit être sous-titré en français et en anglais. Cannes doit être son premier festival. Il ne faut pas qu'il ait participé avant. Donc sa première projection doit se faire à Cannes. Et surtout, c'est l'article premier de la réglementation de Cannes. La sélection du Festival de Cannes doit révéler et mettre en valeur des œuvres de qualité en vue de servir l'évolution de l'art cinématographique et de favoriser le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel dans le monde. Cette année, les pays participants avaient jusqu'à fin mars pour envoyer leurs films. Et une poignée seulement était retenue pour la sélection officielle. Et c'est tous les films... Alors, la sélection officielle, c'est tous les films qui vont participer au Festival de Cannes, quelle que soit leur catégorie. Car oui, il y a plusieurs catégories. La compétition, c'est tous les films qui concourent pour la Palme d'Or, ou du moins pour les catégories Palme d'Or, Grand Prix, Prix de la mise en scène, Prix du scénario, Prix de l'interprétation féminine et masculine, et Prix du jury. Un certain regard, ce sont généralement des premiers films ou des films issus de pays dont la production cinématographique est rare. Hors compétition, ce sont les grosses sorties du cinéma, comme les blockbusters par exemple, qui tombent pendant le festival. Par exemple, cette année, hors compétition, il y a le dernier Mission Impossible. En 2023, c'était Indiana Jones. Donc des films pas forcément d'auteurs, entre guillemets. Et puis il y a aussi des festivals en parallèle. Il y a la semaine de la critique. Son but est de proposer des premiers et seconds films de jeunes cinéastes qui ont été financés par des moyens modestes. Il y a la quinzaine des cinéastes, c'est une compétition parallèle créée en 1969 en réponse au Festival de Cannes. Et si pas de compétition entre les films, tout le monde est la bienvenue et sert surtout à mettre en avant des films singuliers qui sortent souvent des circuits commerciaux. Et enfin, le petit dernier, c'est Acide. Acide, c'est pour promouvoir un cinéma original, de genre ou indépendant par exemple, qui est très fragile économiquement. C'est la seule sélection qui est faite uniquement par des cinéastes. Et oui, à Cannes, ce ne sont pas que des réalisateuristes qui se récompensent. Et enfin, il y a le film de fermeture, donc qui est le dernier film diffusé, et à l'inverse, le film d'ouverture qui ouvre le festival. Et c'est ce qui nous intéresse, car le mardi 13 mai, c'était l'ouverture du Festival de Cannes avec Partir un jour d'Amélie Bonin. Premier film musical avec Juliette Armanet et Bastien Bouillon. Et en même temps que Cannes, le film était diffusé dans quelques cinémas un peu partout, notamment au Méliès. Le tapis rouge était sorti, les paparazzi étaient là pour vos meilleurs shootings photos, comme un semblant de la croisette à Jean Jaurès. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez raté la soirée au Méliès, nous, on y était. D'ailleurs, le thème, c'était les années 90. Et j'ai demandé aux organisatrices pourquoi les années 90. Bah, c'est directement lié au film qui est le film d'ouverture Partir un jour de Amélie Bonin. Et Partir un jour, pour les plus vieux d'entre nous, c'est une référence directe au tube des Tubifree. Alors, en soi, pour faire plus simplement... Partir un jour sans retour. Et nous avons demandé à plusieurs personnes leurs attentes sur le film d'ouverture. Pour le film de ce soir, est-ce que vous avez des attentes, des craintes ? Alors oui, des craintes et des attentes. Parce que j'ai vu le court-métrage il y a quelques années, j'avais adoré. Et du coup, je me demande vraiment ce qu'elle va faire pour en faire un long-métrage. Est-ce qu'elle va vraiment se servir de cette base et l'allonger ? Ou est-ce qu'on va partir dans complètement autre chose ? Ce que j'espère, ce que j'espère pas, parce qu'en fait, je me demande comment elle peut vraiment en faire un long métrage. Alors que là, condensé, ça marchait super bien. J'ai fait en sorte de pas le revoir comme ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Mais je me demande, vraiment, je suis très curieuse. J'espère qu'il me surprendra, mais j'ai très peur, je vais pas vous mentir. Alors, vous avez peur de quoi dans ce film ? Qu'est-ce qui vous terrifie ? Juliette Armanet au cinéma ? Ou Bastien Bouillon, le retour ? Que ça soit une énième comédie française avec un peu de danse et de chant tout pourri. Et surtout sur la bande-annonce, je trouve que Juliette Armanet est pas aussi bonne chanteuse que comédienne. Mais j'espère que ça fera mentir, donc j'ai le mauvais soupçon, mais je jugerai en bonne et due forme l'œuvre à la fin. Je ne l'ai pas encore découvert, donc là je vais le découvrir. Mais je crois qu'il voilà, y a un peu ce retour dans les années 90, donc j'ai très hâte de le découvrir. Surtout que, il faut le mentionner, c'est quand même un premier film d'une réalisatrice. Et je crois que c'est peut-être la première fois qu'un film d'ouverture, un premier film fait par une réalisatrice, est projeté à Cannes en film d'ouverture. Donc ravie de ce choix, quoi. Un choix audacieux, donc. Oui, ouais. Oui. Bah déjà, c'est un choix très surprenant, étant donné que on peut dire que c'est un petit film d'auteur. Je veux dire, dans les derniers films d'ouverture, par exemple, c'était du Quentin Dupieux, quand même. C'était au moins un cinéma très reconnu nationalement. Après, c'était Jeanne Dubarry, de la réalisatrice de Police. Donc là aussi, là, il tente un film beaucoup plus personnel, un peu plus d'auteur, concrètement. C'est même un premier film, qui est aussi une chose très étonnante. Vraiment, ils mettent en avant les petites mains françaises. Là. Ils prennent des risques, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, clairement, là, ils prennent un gros risque. Mais j'en attends beaucoup, quand même. Je ne me souviens de plus aucune bande-annonce. Je ne me souvenais même pas du titre avant de venir. Donc, je m'attends à voir un film qui sera probablement pas trop mal. Eh ben, on espère à ça. Je vous interrogerai à la sortie du film. Donc, un choix de film surprenant qui intrigue énormément. Mais bon, chose promise, chose due, et à la sortie du film, j'ai demandé ce que ces mêmes spectateurs en avaient pensé. Alors, nous sortons tout juste de la séance de Partir d'un jour. Qu'en avez-vous pensé, Anthony? Bah, c'est good vibe, vraiment. Mais vraiment, je trouve. En plus, il y a quelques plans de la caméra assez jolis, avec une belle composition et un beau mouvement. Bon, par contre, je regrette, ils ont coupé Francis. Ah, ils ont coupé Francis, ça, j'ai pas aimé. Bien aimé l'aspect un peu. Bah, moyenne classe, vraiment, c'est vraiment les ambiances que t'as quand t'es dans ton groupe de potes à la campagne qui n'a pas bougé, c'est vraiment le même. Ça, il y a le même truc, c'est. La faille spatio-temporelle. Ouais, c'est ça, bah, c'est vraiment pareil. Mais j'adore parce que bah, c'est une ambiance que j'aime bien retrouver, même, je sais pas, t'as dû m'entendre rigoler à un moment, ils sont rentrés dans la maison. Et c'est parce que juste, bah, c'est des détails qu'il y a dans mon enfance, tu vois, et genre, j'étais en mode, mais oui, mais ça, c'est tellement Saint-Didier-en-Velay, quoi. Genre. Voilà, une amitié, on y croit, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est assez réaliste dans l'ambiance, en tout cas. Donc un premier film réussi. Ouais. Les chansons, j'ai bien aimé. J'aurais peut-être pas pris le parti pris de faire chanter les acteurs, même si il y en a qui m'ont touché. Genre celle où c'était le père qui chantait, elles étaient trop cool. Ils chantent très bien. Malheureusement, je trouve que l'actrice principale, j'ai pas son nom, malheureusement. Juliette Armanet. Elle chante pas si bien. Alors tu crois pas si bien dire, c'est une chanteuse donc. Et ben moi je trouve qu'elle chante pas si bien. Oh c'était sympa, moi j'ai bien aimé. Je suis pas comme Baptiste, je suis pas aigri. Bon bah Baptiste, qu'avez-vous pensé de ce film après visionnage? Bah malheureusement mes inquiétudes se sont confirmées. Les musiques étaient pas dingues, y avait pas de chorégraphie. Pour un film d'ouverture, bon j'espère que là le reste relèvera le niveau. Bon Baptiste, toi t'y étais aussi? Au oui, festival de Cannes. Ouais. Alors, qu'as-tu pensé de ce film d'ouverture ? Moi, j'ai pas du tout aimé. Ah. C'était, voilà, ça valait ce que ça valait. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Au niveau du fait que ce soit une réalisatrice, j'ai beaucoup pensé à Louise Courvoisier parce que, par exemple, Vingt Dieux, je pense que ce film aurait mérité sa place. En film d'ouverture au Festival de Cannes, j'ai trouvé que c'était un film assez mièvre hein, dans l'ensemble. Je reste sur ma faim, si j'avais faim. Et toi Clarisse, t'as eu le temps de le rattraper ? Et pas encore, non, pas du tout, j'avoue. Donc un film qui divise, à la fois des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont moins aimé. Complètement, j'entends toutes les critiques possibles et imaginables. Donc chers auditeurs, n'hésitez pas à aller le voir pour vous faire votre propre avis. Et justement, ce film d'ouverture permettait aussi de partager toutes les attentes qu'il y allait avoir autour des films présentés au Festival de Cannes. J'ai la faculté d'oublier les noms des réals, mais j'ai vu qu'il y avait le réal de La Conspiration du Caire qui est dans la sélection, et vu que j'avais adoré le film, j'ai vraiment hâte de découvrir son film. Il y a Afzia Herzi qui aussi propose un film, il y a le film Alpha. J'étais contente parce que pareil, je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 réalisatrices en compétition officielle, et donc assez curieuse de découvrir leur travail. Je suis un grand fan de Richard Linklater et il y a le film Nouvelle Vague dont tu vas présenter le film, celui que j'attends le plus, oui. Ouais. J'espère qu'il aura des beaux retours de Cannes et qu'il sortira incessamment sous peu dans les salles aux obscurs. Moi, c'est plutôt les premiers films. Je regarde beaucoup les films de la Queer Palm et c'est ce qui m'intéresse le plus, donc je vais essayer de tous les voir en tout cas. Il y a des noms qu'on connaît déjà beaucoup, mais avoir, moi je suis très curieuse de la catégorie Un certain regard, parce qu'en général c'est vraiment des belles découvertes. Moi j'attends beaucoup ce film, alors j'attends beaucoup le prochain Wes Anderson, parce que j'aime beaucoup ce réal, surtout ses films d'animation. Il y a aussi le prochain, mince comment il s'appelle, le prochain film de la réalisatrice de Grave qui va arriver, Julia Ducournau. Voilà, Julia Ducournau dont j'aime beaucoup le travail et qui va être là. Et franchement, ça risque d'être une très bonne cérémonie. Et en plus, en jury, on a un super réalisateur coréen, Hong Sang-soo. Voilà, regardez ses films. Et on a Halle Berry, ça j'ai pas compris. Même si je l'aime bien quand même en tant qu'actrice. Et vous venez d'entendre les attentes de Léna, Sabrina, Badis et Anthony. Et justement, Anthony est actuellement en direct du Festival de Cannes. Comment ça va, Anthony? Il fait beau là-haut? Ah oh bah très bien là, il fait un grand soleil, je vois. Oula. Ah bah franchement, là on a vu des tas de stars, je peux le dire, j'étais dans la salle avec Louise Courvoisier. Oh. Ah ouais, on a vu du grand luxe. À Monoprix, j'ai vu Robert De Niro, j'ai compris. Vous avez vu Robert De Niro? Ah oui, j'ai clairement vu Robert De Niro entouré de plein de personnes, puis on l'a entrevu, mais c'était bien lui. Oui, continuez. Et moi, je ne surtout vous parler des films que j'ai vus. J'en ai vu que 3 et 2 séances court-métrage, ceux de la Cinef. Ouais. Donc, j'ai vu le premier était en Cannes première, c'était Speedville, le deuxième film, Civino, une comédie dramatique parlant beaucoup plus de l'amour et d'une relation de couple. C'était un très bon film sur cette comédie, même si j'ai pas très bien aimé la fin, mais le tout était vraiment hilarant. C'était une comédie américaine qui se prenait au pied et qui assumait son sujet tout en ayant une certaine esthétique dans la caméra qui titillait mes petits yeux. Et après, j'ai vu 2 séances, Un certain regard. Et là, je viens de vous parler plutôt de la deuxième séance où il y avait Louise Courvoisier que j'ai pris en photo, mais bon, que je n'ai pas pu approcher, mais en tout cas, je l'ai pris de loin en photo. Et c'était Unbound, un film produit par Martin Scorsese et qui est sur l'Inde, en parlant de la situation du caste système et de la région où deux amis d'enfance ont essayé de rejoindre la police pour essayer d'avoir un meilleur statut dans l'Inde. Et c'est clairement une grosse critique du gouvernement indien ultra conservateur qui est pour la discrimination ouverte envers les religions et envers les castes inférieures, même s'ils ont été abolis depuis les années 50. Et c'est un film avec une esthétique très particulière. J'aime beaucoup l'aspect de la lumière avec avec cette lumière un peu expressive, ce noir et cet effet un peu miroir entre ces deux personnages qui vont d'abord s'éloigner puis après se rapprocher de façon extrêmement triste. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Et le deuxième, c'est pas moi qui vous en parlais, j'ai amené quelqu'un, je suis allé voir le premier film de Scarlett Johansson, Eleanor the Great. Et ça, je peux vous le dire en plus, dans les derniers moments, en last time, oui. Et j'étais sur les escaliers en train de le voir. Comment ça? C'était quelque chose. Ah, ouais. En fait, les places sur le côté, on n'y voit rien. Je suis allé plus en haut et je suis assis sur les escaliers. Mais c'est pas moi qui vais en parler, c'est mon ami Clément qui est aussi avec au Festival de Cannes. Clément, comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses de Eleanor the Great? Et ben, pour un premier film, c'est vraiment impressionnant. En tant que la réalisatrice a baigné dans le monde du cinéma depuis assez longtemps, elle s'est imprégnée d'énormément de codes. Le film est vraiment super bien réalisé. Et le plus marquant, j'aurais dit que c'est le jeu des acteurs qui apporte une touche très profonde en film. On alterne beaucoup entre le rire et les pleurs. Et c'est ce que j'ai trouvé très appréciable durant mon visionnage. Très bien, merci beaucoup Clément. Oui. Aussi, un dernier mot, je tiens à dire que pendant le Festival de Cannes, j'ai revu quelqu'un d'impressionnant. Alors, il m'a pas reconnu, mais en tout cas, je l'ai entrecroisé, je ne l'ai pas très interpellé pour ne pas déranger. J'ai vu Martin Fémis. Ah, vous avez vu Martin Fémis. Et j'ai vu Thierry Frémaux aussi, mais de loin. Il me semble que, vous n'êtes pas tout seul, mais il me semble que Mathis a une question à vous poser, Anthony. Bonjour, c'est quoi la question? J'ai une question à te poser, parce que du coup, vu que tu as vu beaucoup de stars, je me demandais, est-ce que tu as vu Madame Kardashian? Parce que suite à son procès, elle est allée à Cannes et je me suis dit, quand tu disais j'ai vu quelqu'un d'important et tout, j'étais là, oh! Et finalement, Moi j'ai vu Louis Courfoisier, la Ciné Fabrique, la campagne. Moi les stars américaines, on les voit que très peu. Ah. Tu refiales Méliès. Oui. Ramène plein d'autographes, Anthony. Non, mais même si, si certains sont pris en photo avec le réalisateur de La Méthode Williams et avec Camilla Jordana qui était qui était en tant que jury à la Cinef, je vous conseille certains courts-métrages. J'ai vu un super court-métrage sur la guerre en Ukraine en stop-motion. Oh, impressionnant. Bah, très bien. Alors Anthony, rappelez-nous les noms des films qu'il faut à tout prix aller voir, que vous avez vu au Festival de Cannes, justement. Unbound, vraiment, c'est celui que je conseille, en plus produit par Martin Scorsese. Ouais. Robert De Niro au Monoprix, aussi très grand film. Ok. Smallville, vraiment. Et après, Eleanor the Great, même si moi, à titre personnel, j'ai trouvé que elle finit de façon très classique, c'est très plan-plan, elle ne va pas dans les sentiers, elle va pas chercher quelque chose d'autre, elle reste dans son petit confort. Très bien, bah merci beaucoup Anthony pour vous, pour ce petit, pour être reporter en fait finalement, reporter Anthony au Festival de Cannes. Merci beaucoup pour vos retours et j'espère que nous recroiserons. Bah, de toute façon, vous reviendrez à la radio. Passez un bon festival, Anthony. Au revoir. Au revoir. Salut. Hop. Et oui, ça fait bip bip. Alors voilà, Anthony qui était au Festival de Cannes. Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller là? Honnêtement, avec tout le monde qu'il doit y avoir, ça doit être fascinant. Ouais. Surtout les stars. Mais ouais. En vrai, surtout Kim ça doit être tellement angoissant. Mais si on voit pas Kim Kardashian, je vois pas l'intérêt. Hein. Ouais, non, j'ai un demi-tour. Oui, j'aimerais bien y aller moi. Mais... Donc voilà, bah, pour résumer, partir un jour, c'est encore au cinéma. Il y a d'autres sorties qui arrivent, comme le nouveau Wes Anderson qui sort demain, aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui, The Phoenician Scheme. Tous les films du Festival de Cannes seront projetés au Méliès. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire votre séance de rattrapage. Je laisse la parole à Clarisse. Alors, tu cherches à te faire une bonne dose de frissons, du suspense et un bon shoot de peur qui te donne envie de vérifier sous ton lit? Pas de panique. J'ai la sélection parfaite pour toi, avec des films cultes et des classiques modernes qui ne rigolent pas. Et promis, pas de spoil, ou presque. On commence avec Psycho, le classique d'Alfred Hitchcock avec Norman Bates. C'est le type apparemment sympa qui tient un motel perdu au milieu de nulle part, mais il a un petit problème mental. Bon, ok, c'est peut-être un gros problème. Quand une cliente débarque, ça part vite au thriller psychologique intense, et la fameuse scène de la douche, tu verras, ça marque à vie. Ensuite, si tu aimes quand ça tourne au surnaturel, The Exorcist est fait pour toi. Une petite fille possédée par un démon, une mère paniquée et deux prêtres qui débarquent pour un exorcisme à la dure. Tu vas prier pour que ça s'arrête, mais spoiler, ça s'arrête jamais vraiment. Si tu préfères les tueurs masqués, impossible de zapper Halloween. Michael Myers sort de prison et vient semer la panique dans une petite ville américaine. Il ne rigole pas et sa bande-son, elle va te hanter longtemps après le film. Pour une ambiance plus psychédélique et angoissante, on a The Shining. Une famille isolée dans un hôtel désert, un père qui perd la boule et des fantômes qui ne font pas dans la dentelle. Jack Nicholson est magistral et toi, tu vas douter de ta santé mentale en le regardant. Attention, il y a des regards qui sont durs à oublier. Du côté de la science-fiction, on a mis Alien, qui met en scène une équipe de l'espace confrontée à une créature monstrueuse sortie tout droit d'un cauchemar. Ripley, la héroïne, est prête à tout pour survivre. Et toi, tu ne regarderas plus jamais une créature aussi monstrueuse de la même façon. Et si tu aimes les monstres marins, on a Jaws, ou Les Dents de la Mer, qui est LE film à voir. Un requin blanc géant sème la terreur dans une station balnéaire tranquille. Et trois hommes vont devoir partir à sa chasse. Résultat, tu ne te baigneras plus jamais sans jeter un œil inquiet à l'eau. Tu préfères le mélange de suspense et humour? Alors fonce, sur Scream, avec une lycéenne qui reçoit un coup de fil d'un tueur qui connaît toutes les règles des films d'horreur. Qui adore les détourner surtout. À la fois effrayant et drôle, c'est la recette parfaite pour sursauter et tout en rigolant. Attention à ne pas confondre avec Scary Movie. Dans Destination Finale, c'est la mort elle-même qui te colle au train. Tu évites un accident mortel? Super! Mais elle revient pour te récupérer et les morts sont aussi inventives que stressantes. Si tu veux frissonner en te demandant si ces histoires pourraient être vraies, alors Urban Legend explore des meurtres basés sur des légendes urbaines qui hantent les campus universitaires. C'était frisson garanti. Et non, Badis, j'arrêterai toujours pas mon forcing tant que tu l'as pas vu. Pour les fans de poupées maléfiques, nous avons Chucky et Annabelle, deux jouets possédés qui te feront revoir ton opinion sur les peluches et les poupées en plastique. Adieu enfance tranquille et bonne chance pour trouver des cadeaux de Noël. Si les petites bêtes te donnent des sueurs froides, un peu comme moi, arachnophobia et vermine te mettront dans la peau d'une proie facile à des araignées qui prennent le contrôle. Après ça, ton salon et tes chaussures ne te paraîtront plus aussi sûrs. J'ai mis du temps à m'en remettre. À la plume du roi de l'horreur, nous avons Stephen King, qui est le king de l'horreur pour transformer la peur en art. On lui doit trois pépites qui explorent la folie sous toutes ses formes. Notamment avec un groupe d'enfants qui affrontent un clown terrifiant qui se nourrit de leurs peurs les plus profondes dans une petite ville où l'innocence vire au cauchemar. Mêlant cauchemar et amitié, ça te fait redouter les clowns à jamais. Mais on a aussi Misery, où l'enfermement et la torture de la fan un peu trop fan, qui est carrément obsessionnelle, d'un écrivain va te faire réfléchir à deux fois à la dimension de vouloir devenir célèbre. Et pour finir, si t'as grandi avec l'envie d'avoir une voiture vivante comme Cars, Christine, elle est là pour te raconter l'histoire d'une voiture d'occasion. C'est pas n'importe laquelle, c'est une Plymouth Fury possédée, une voiture aux allures vintage qui se transforme en machine à tuer incontrôlable dès qu'on la met en marche. Promis, tu voudras passer ton permis après. Voilà avec cette liste, tu as tout ce qu'il faut pour passer des soirées terrifiantes avec des personnages flippants et des histoires qui vont te coller des frissons. Mais pour un peu plus de fun, je te conseille de nous rejoindre vendredi 23 mai à 21h au Méliès de Jean Jaurès, voir la pépite qui est Les Maudites, suivie de l'escape game qu'on a organisé et qu'on anime surtout. Et si jamais tu viens pas, n'oublie pas de jeter un œil sous ton lit avant de dormir. Merci beaucoup Clarisse pour cette rétrospective des films d'horreur. Il y en aurait plein à rajouter évidemment, mais là c'est à choisir les meilleurs des meilleurs, donc merci beaucoup. Et en parlant de la pépite... C'est de toute beauté. Nous sommes dans la chronique pépite, et oui, Les Maudites, film espagnol de Pedro Martín Calero qui est sorti aujourd'hui. C'est notre pépite. Pourquoi c'est notre pépite, Mathis? Je me rappelle plus, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu. Je suis un affreux élève. C'est pas bien de manquer les rendez-vous. J'ai fait piscine. J'avais radio. Alors, explique-nous un peu plus que racontent les pépites, Clarisse. Ah bah, alors, la pépite, c'est donc Les Maudites, c'est un thriller psychologique espagnol où trois jeunes femmes de dimensions différentes, en fait, elles vivent pas à la même époque et pas dans les mêmes villes. Elles vont toutes être hantées par la même créature. La même entité, ouais. La même entité, exactement. Et en fait, elles vont se battre contre les meurtres qu'il va créer, quoi. Exactement. Et cette entité, elle a une petite spécificité. On peut ne la voir qu'à travers un écran de smartphone ou de caméra. J'allais dire qu'elle était chauve, mais... Okay. Oui, aussi, elle est chauve aussi. C'est ça, la grosse spécificité. Ne te sens pas insultée, Mathis. Non, mais je me disais juste que par rapport au fait qu'elle puisse apparaître juste quand elle est filmée, elle est peut-être malheureuse dans les années 80. Parce que du coup... Ou alors elle devait être heureuse parce qu'elle avait le champ libre. Enfin voilà, oui, voilà. Je me disais. Et maintenant, elle apparaît sur tous les smartphones. Ouais, voilà. Elle pète un plomb, quoi. Elle est plus discrète, en fait. C'est peut-être pour ça, TikTok. C'est peut-être pour ça que je te vois. Hein. Et bien justement, comme tu l'as si bien dit, Clarisse, vendredi à 21h au Méliès Jean Jaurès, on a organisé un petit escape game d'horreur sur ce film. Donc plein de petites énigmes confectionnées par nous, les ambassadeurs, ambassadrices du Méliès. On espère vous y voir nombreux. Oui. Ah bah oui, très nombreux. J'espère aussi. Oui. Et bon, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Som la canción que más acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada, som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som l'arbre enmig de la tempesta. Som els estels que van teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. Som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. Il est 18h30 dans 10 secondes sur les 895 de Dio dans le Ciné de Con, et vous venez d'écouter Somme du groupe catalan Obrin Pass, musique choisie par Matisse. Et justement, Matisse, c'est le moment de ta carte blanche. Vous avez carte blanche. Je peux pas accepter, je sais pas quoi dire. À ton tour, Matisse. Alors pour commencer, la chanson du groupe valencien Obrin Pass que vous venez d'entendre, elle a pas été choisie au hasard. En effet, cette chanson, c'est un hymne, ou plutôt une ode joyeuse et combative à la défense des libertés, de la diversité, de l'indépendance linguistique, politique et culturelle des pays catalans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on parle peu, notamment dans le milieu du cinéma en France, ce qui pourtant a une grande importance à mes yeux, la représentation et la valorisation des langues autochtones et ou nationales minoritaires dans le cinéma. Dans cette chronique, je me suis concentré notamment sur les langues autochtones minoritaires européennes, bien qu'il soit absolument nécessaire de rappeler que les langues autochtones minoritaires de par le monde sont extrêmement nombreuses et que la disparition de ces langues est extrêmement inquiétante. Cela s'explique notamment par l'influence dominante de certaines langues et la volonté politique, normative, du pouvoir de certaines entités politiques, d'effacement de celles-ci. Des langues minoritaires. Depuis quelques années déjà, le cinéma européen et notamment les réalisateurs originaires de territoires dont la langue autochtone est devenue minoritaire, voire en voie de disparition, ont eu à cœur de produire des films dont la majorité, sinon l'entièreté des dialogues, était en langue autochtone. Parmi ces langues autochtones, nous avons à titre d'exemple en Europe le catalan, le basque, le gaélique ou aussi l'irlandais, mais encore le corse, le sicilien, le breton, l'alsacien, le mirandais au Portugal. Pour vous aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite liste plus ou moins détaillée de certains films ayant marqué l'histoire du cinéma européen de par leur génie, leur beauté et la reconnaissance dont ils ont bénéficié et qui valorisent, représentent de façon particulièrement importante une langue autochtone minoritaire. Depuis déjà quelques années, de nombreux films sont produits exclusivement en langue catalane, s'agissant des pays catalans et de l'Espagne. Mais de la Catalogne. On a Alcaraz, dont le titre français est Nos Soleils, qui raconte l'histoire de la famille Solé, qui cultive des pêches de génération en génération sur leur terre agricole dans le village catalan d'Alcaraz. Un jour, un projet d'installation de panneaux solaires vient tout menacer, puisque les promoteurs immobiliers, en quelque sorte, cherchent à exproprier la famille de leur terre, de leur verger. Ce qui déclenche un tsunami pendant ses vacances d'été. Ce film, il est brillamment réalisé par Carla Simone, sort en 2022 et rafle même l'Ours d'or de la Berlinale. On a aussi Pain Negre, comprendre pain noir pour le titre français, sorti en 2010 et réalisé par Agustí Villaronga, qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent, Andreu, qui découvre un crime dont serait injustement accusé son père peu après la guerre civile espagnole, donc on parle de l'année 1939 et des années suivantes. Période tragique de l'histoire catalane où règlement de compte et élimination des opposants politiques vrais ou supposés a laissé libre cours à une violence absolument inouïe. C'est un chef-d'œuvre brillantissime du cinéma catalan. D'autres langues sont mises en valeur par la réalisation de films, notamment en langue basque, je crois qu'on dit « l'euskera ». Voilà. Deux grands films du cinéma européen, dont le basque est la langue de jeu, ont détonné par leur excellence. On a un premier film qui est titré L'Oréac, ou en français Les Fleurs, qui est sorti en 2014, qui a été réalisé par Jon Garagno et José Marie Guenaga. Entièrement en basque, ce film raconte l'histoire de trois femmes qui reçoivent des mystérieux bouquets de fleurs. C'est un film assez mystérieux, assez. Il y a une ambiance particulière dans ce film, et ce film sera même sélectionné pour les Oscars, ce qui est une véritable reconnaissance et une première pour un film exclusivement en langue basque. On a un second film en langue basque qui est titré Andia, le géant d'Alzo, en français, qui est sorti en 2017, dont le réalisateur est Garagno, toujours, et Arregui. Il est tout en langue basque. Il est inspiré de l'histoire vraie de Miguel Joaquín Eleizegui, un homme atteint de gigantisme au XIXe siècle et qui va être exploité du fait de son gigantisme. Il a eu de nombreuses distinctions. C'est un film qui relate une histoire vraie, qui a reçu 10 prix Goya en 2018. Je pourrais pas ne pas vous parler du film Nicap, qui sortira très bientôt, Méliès de Saint-Étienne, et qui relate l'histoire vraie de deux jeunes artistes rappeurs de Belfast à l'attitude absolument punk, hein, c'est absolument génial, qui, à l'aide d'un prof de musique, se lance dans la production de rap en langue gaélique et dont les paroles engagées appellent à la défense de la culture irlandaise et de la langue gaélique face à l'oppression culturelle et linguistique et politique, bien sûr, du Royaume-Uni. Cet engagement leur a parfois valu de certains soucis. C'est un thème qui est aussi toujours très sensible, mais la langue gaélique est une langue dont l'existence est réellement menacée par la présence et l'omniprésence et l'usage absolu de la langue anglaise, notamment dans ce qu'on appelle l'Irlande du Nord. Et on en a aussi, alors pour du côté français, on a aussi deux films qui sont sortis cette année. Je précise, je voulais juste le rajouter. On a Le Royaume et Le Mohican, donc qui sont tous les deux, enfin cette année en 2024 plutôt, qui sont sortis donc dans les salles de cinéma et qui sont tout ou partie, mais plutôt partie en langue corse, ce qui change un petit peu des films corses où il n'y a pas de Corse dans le film. Donc voilà. Et c'est aussi un acte engagé puisque forcément, ça demande... on sait que quand un film n'est pas fait en langue, n'est pas joué dans la langue dominante, ça peut parfois être un frein. Aujourd'hui, l'avantage, je pense, c'est qu'il y a peut-être un petit peu plus de reconnaissance et de l'affirmation de la volonté de faire un film dans la langue autochtone, bien que minoritaire, du territoire dans lequel il est produit. Je voudrais rappeler, comme il a été fait d'ailleurs à la fin du film Nicap, qu'une langue disparaît tous les 40 jours environ, et que si rien n'est fait, selon l'UNESCO, ce sont 3000 langues autochtones qui risquent de disparaître d'ici peu. Même avant la fin du siècle, hein. Donc c'est énorme. Ces langues, notamment, elles ont besoin d'être protégées, surtout en Europe, où toutes les langues ne sont pas forcément reconnues, et je pense que le cinéma est une bonne façon de défendre cette cause. Eh bien, merci mon badabeu, hein. Tu as fait une super chronique, merci beaucoup Mathis. On a encore un peu de temps, peut-être un peu plus parler de Nicap, que vous avez déjà vu, qui sort dans un mois. Oui. Ouais. Alors, réexplique rapidement l'histoire et qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, à part tout ce passage sur la culture irlandaise, les langues irlandaises, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film ? Ce film, donc, comme je l'ai dit, c'est deux jeunes... c'est pas deux jeunes rappeurs à la base, hein, c'est deux jeunes qui sont... on a l'impression qu'ils sont un petit peu désœuvrés. Drogués, surtout. Oui, mais ça, c'est subsidiaire. Non, mais c'est... qui ne l'est pas. Hein. Non, mais oui, non, ce sont deux jeunes, donc ce sont deux jeunes un petit peu désœuvrés qui ont certains déboires, certains problèmes avec la police nord-irlandaise, donc puisqu'ils sont à Belfast, et qui voilà, qui défendent ardemment donc le droit de parler le gaélique en tout temps et de partout sur les territoires de l'Irlande, y compris les territoires de l'Irlande du Nord. Et du coup, il y a un jeune qui se retrouve, voilà, qui se retrouve en garde à vue et qui refuse catégoriquement de parler l'anglais. Donc, on lui fait venir un interprète. Et cet interprète-là, c'est un prof d'irlandais qui paraît un peu coincé quand même. Hein, qui paraît un peu coincé, mais du coup, qui découvre ses textes dans un petit carnet. Et de là, va se construire tout un petit groupe de rap, tout en gaélique. Enfin, tout n'est pas en gaélique, mais la plupart des paroles le sont, très engagées. En plus, ils ont vraiment, c'est du rap. Alors c'est entre le hip-hop. Il y a quand même un, ouais, il y a c'est hip-hop rap et il y a beaucoup de, enfin, ils rappent quoi sur du hip-hop quoi. tu vas t'en sortir. Voilà. Et surtout, ouais, il y a cette attitude complètement punk avec une, enfin, ils sont complètement décomplexés sur l'usage et la, voilà, et la propagande de la drogue, ce qui est vraiment cool parce que oui, il y a cette attitude presque à la fois insouciante, réfractaire et qui, enfin, moi personnellement, j'adorais ce film. En plus, c'est vraiment les acteurs qui jouent sont vraiment les rappeurs qui existe en fait, hein, dans c'est une histoire Kneecap. Vraie en fait. Oui, c'est une histoire vraie qui est contée par les protagonistes de l'histoire. Parce que Kneecap, c'est un vrai groupe de rap. C'est un vrai groupe de rap, ouais, qui existe vraiment en Irlande. Très bien, super. Et qu'est-ce qui vous a plu d'autre dans ce film? Est-ce que le jeu des acteurs était bon, par exemple? Eh bah, ben, étonnamment oui, parce qu'on pensait que c'était des acteurs en fait à la base. Ah. On pensait pas que c'était eux qui jouaient leur rôle. Et souvent, enfin pour beaucoup, on l'a découvert à la fin du film avec les images. Des artistes et on se dit mais en fait ils se ressemblent vachement quand même. Non, c'est que c'est eux. Oh, et puis après il y a une colorimétrie dans le film qui est énorme. T'as une mise en scène, t'as un montage qui te rendrait dingue. Oui. Vraiment, c'est différent des films de d'habitude. C'est pas une, enfin on a vu plein des discographies un peu tu vois, oui, sur des artistes comme ça, mais là elle change. T'as vraiment une, t'as des écritures sur tout le long du film quand ils écrivent leur musique. T'as l'impression d'être avec eux et de construire la musique avec eux et de vivre, de ressentir, de chanter, de t'exprimer. Dès qu'ils se droguent, t'as l'impression d'être drogué avec eux et de vivre toutes les sensations. Dès qu'ils tournent, tu tournes. Enfin, c'est dingue, quoi. D'accord. Et toi, Mathis, qu'est-ce qui t'a un peu plus marqué? Moi, bon, au-delà de, voilà, de la défense de la langue, hein, je pense qu'on aura compris. Moi, ce qui m'a beaucoup, ouais, c'est oui, aussi ouais, là, cette espèce de scénographie, toutes les scènes sont absolument géniales. Ouais, la colorimétrie au niveau des couleurs, ça détonne, quoi. Et aussi, oui, je pensais pas qu'on pouvait aussi bien jouer son propre rôle. Alors, c'est, il joue extrêmement bien, mais je pense que ça, alors c'est une opinion personnelle, hein, ça reste mon propre sentiment, mais je pense que oui, c'est aussi cette attitude punk en fait, parce qu'ils sont pas dans le surjeu ni dans le sous-jeu, en fait ils sont juste normaux. Je pense qu'en fait ils racontent leur histoire comme s'ils la vivaient, et ouais, il y a ce, enfin moi c'est un tout en fait, ce film, la musique aussi, le fait est qu'il y ait des musiques, enfin des, voilà, qui est certaines de leurs musiques qui soient chantées et intégrées dans le film, et qui franchement ah non mais ça décape, hein. Ouais, il est dynamique, il te laisse pas de repos, quoi. Donc un film que vous conseillez totalement. Oui, oui. Qui, alors peut-être que certains l'ont vu parce qu'il avait été diffusé lors de la Sainte-Barbe en France, mais ne vous inquiétez pas, il sortira le 18 juin 2025 dans nos salles françaises nationalement. C'est un film de Rich Pepiat et donc on vous a présenté Kneecap. On va se retrouver dans quelques instants après cette pause musicale. When Jesus washed. happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Il s'agissait de Oh Happy Days de Miles Goodman, musique composée pour Sister Act 2 de Bill Duke, morceau choisi par Sabrina Dumeliès que vous avez pu entendre dans les enregistrements sur Cannes. Il est 18h46, sort le 895 de Dio et vous écoutez le Ciné de Con. Alors moi je voulais juste préciser quelque chose, je voulais remercier Sabrina d'avoir passé Happy Day, le timing est un peu mauvais parce que je viens juste d'avoir mes résultats de la fac, c'est une catastrophe. Alors là, je suis prêt pour le redoublement. Donc, mais bon, je retiens la leçon. Fight and pray. Fight and pray, merci Mathis. Cinéma ! Cinéma ! Bon, il nous reste quelques instants. Alors, vous vous posez peut-être quelles sont les sorties de notre petit cinéma stéphanois. Eh bien, voici nos recommandations. Qui veut prendre la parole ? Eh bah, ben... Eh bah, vas-y, Mathis. Clarisse. Vas-y, je t'en prie. Ah, galanterie. Merci, Yves. Moi, je voulais vous présenter Marco, l'énigme d'une vie, qui est sorti le 14 mai. Ouais. Qui est un film espagnol, un biopic, qui retranscrit du coup une histoire un peu drôle et touchante et un peu folle à la fois, d'un président de l'association des victimes espagnoles contre l'Holocauste. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que cette histoire, elle est contestée un historien, ça n'existe pas, mais tout va bien. Et en fait, il va se battre pour conserver sa version, puis plus on creuse, plus on va découvrir que certains détails flanchent. Mais bon, on va revivre un peu tout son passé, tous ses souvenirs, tous ses doutes et tous ses rêves à la fois, parce que c'est un monsieur qui vit toute cette histoire. Et on est mené par l'humour du film et les émotions. On va beaucoup rire, mais on va aussi un peu pleurer parce qu'il y a quand même certaines scènes qui font pas trop rire. Et pourquoi y aller ? Parce que c'est un peu de chacun de nous, c'est une histoire qui est vraie et qui pourrait être bien plus qu'on l'imagine si elle n'était pas parlée. Voilà. Oui, très bien. Une histoire qui parle des personnes qui profitent de choses terribles, de la cruauté humaine pour en tirer un bon parti, un bon profit. Complètement. À ton tour, Mathis. Alors moi, du coup, je vais aussi faire en expliquant l'historicien, puisqu'on est sur le thème. Donc, il y a un film qui est déjà sorti, au Méliès, et qui est toujours en salle, qui s'appelle Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. Il est en salle jusqu'au 20, c'est-à-dire que c'était hier, je raté. Corrige. Raté. Mais bon, bon, ça vous permettra, si vous avez l'occasion de le voir, d'y aller, puisque c'est un film roumain, qui est sorti donc cette année, de Bogdan Mureșanu, qui nous raconte l'histoire de six personnes avec six destins très différents qui vivent les derniers moments, le crépuscule de la vie de Ceaușescu et de son régime en Roumanie, donc en décembre 1989. Donc la Roumanie, elle est au bord de l'explosion, hein, la moindre étincelle fait tout exploser, peut tout faire exploser, et ce qui est assez étonnant, et alors c'est pas foncièrement drôle, mais c'est quand même, enfin l'absurdité de la chose reste quand même ironique et drôle d'une certaine façon, c'est que les autorités font comme si de rien n'était. Alors l'obsession du gouvernement de Ceaușescu à ce moment-là, vu que nous sommes en plein milieu des fêtes, c'est de préparer le nouvel an. Et le nouvel an, hein, même si tout est prêt à exploser, ils sont convaincus que ça va se passer et que voilà, on va juste souffler sur le bobo et puis ça va passer. Et donc ces six destins, ils vont se croiser et chacun a de gros soucis. Chacun a ses gros et petits soucis, mais tous ces soucis en fait ont pour cause l'enfer du régime de Ceaușescu. Et c'est un film où il y a de l'humour, hein, de l'humour noir, parce que moi j'aime beaucoup les films de l'Est, j'ai toujours été vraiment un fervent admirateur et... Enfin, vraiment fervent admirateur des... Voilà, j'allais dire propagandiste, mais c'est peut-être pas le bon mot, là. Hein. Ouais, ouais. Mais, voilà, des films de l'Est qui sont c'est toujours... C'est la Roumanie, quoi. Oui. Non, mais c'est plein du... C'est le déjà... timing. Mais le timing, oui, parce que j'y étais il y a pas longtemps, donc c'est vrai que du coup, bah, je fais un peu le mec qui connaît la Roumanie, mais... Mais non, en fait, c'est un tout dans ce film. La couleur, tout est absolument magnifique. Tout est très bien tourné. Il y a beaucoup d'humour. C'est de l'humour noir. Hein. C'est pas l'humour, c'est pas les trois phrases drôles trois secondes d'intervalle qui dans certains films qu'on connaît nous, qui amusent. C'est de l'humour plutôt noir, hein, qui se moque de l'absurdité aussi de ce monde-là. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film, donc je voulais vous le partager. Ça me tenait à cœur. Merci beaucoup Mathis. Moi je continuerai à faire mon historicien aussi. Je vais vous parler. Super, session vanne. Je vais vous parler des Méliès cultes du vieux cinéma. Alors vous pourrez retrouver ce mois-ci. Alors il y a déjà Paprika qui est passé, mais The Mask qui aura une dernière diffusion ce dimanche 25 mai à 11h au Méliès Jean Jaurès. The Mask, grand film culte avec Jim Carrey évidemment. Vous pourrez retrouver aussi Trois hommes et un coup fin le samedi 24 mai à 20h à Saint-François et le dimanche 25 mai à 15h, toujours à Saint-François. Et enfin, le documentaire Le peuple migrateur le 31 mai à 20h30 à Saint-François, le 1er juin à 15h à Saint-François et le dimanche 8 mai à Jean Jaurès. Il y a aussi, pour continuer, les films du Méliès classique, donc des films un peu plus vieux, qui ont un peu plus de 30 ans en tout cas, voire plus de 40 ans, même plus de 40 ans, tiens je le découvre. il y a le Joli Mai, que vous pouvez retrouver, le Joli Mai qui est passé, moi aussi, raté. Décidément. On est synchro avec Mathis. Sinon, dimanche 25 mai à 11h, vous pourrez retrouver La Forteresse Noire de Michael Mann. Vous pouvez aussi à 17h à Saint-François, vendredi 23 mai, alors même, je me rectifie, excusez-moi, aujourd'hui, mercredi 21 mai à 20h à Saint-François, le testament d'Orphée que vous pouvez aussi retrouver vendredi 23 mai à 16h, le dimanche 25 mai à 17h et le 1er juin à 11h. Et puis Leïla et ses loups, ce mercredi 28 mai à 20h10 à Saint-François, le 30 mai à Saint-François, le dimanche 1er juin à Saint-François et enfin le dimanche 8 juin à Jean Jaurès. Est-ce que vous avez d'autres films à nous présenter ? Bah, pas spécialement. Moi, j'en ai un autre que j'ai beaucoup aimé. C'est Ghostlight, qui est en salle jusqu'au 2 juin au Méliès. qui a été réalisé par Kelly O'Sullivan et Alex Thompson. Donc c'est un film américain qui est très bien. Hein. C'est un peu une oxymore, mais enfin bon. Et du coup, ça nous raconte l'histoire de Dan. Dan qui est un travailleur donc dans les travaux publics de voirie hein, à Chicago et qui sa vie ça va pas trop, on sait pas trop pourquoi, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même de pesant dans sa vie, mais pas voilà, c'est pas j'ai pas bu mon café le matin, c'est quelque chose de pesant qui est lourd. Sa famille elle est un peu au bord de l'explosion. Son épouse elle essaye un petit peu avec lui de tout rassembler, mais c'est très difficile. Ils ont une fille qui paraît avoir ce qu'on appelle en droit un souci avec l'autorité. Sa fille elle est en crise, mais on sait pas trop quelle est l'origine de cette crise familiale. Lui il erre en fait pendant son travail, il est victime voilà de ces voitures qui passent sur la voirie et qui le méprise, qui l'insulte, tout ça. Et un jour, il y a cette femme qui l'approche et qui lui demande de l'aide. Et en lui demandant de l'aide, elle va en fait lui en apporter, puisque c'est une femme qui est metteuse en scène ou plutôt directrice de théâtre en quelque sorte, et qui est comédienne. Et c'est un groupe de théâtre où des adultes qui sont pas forcément du milieu professionnel du théâtre, hein, ils sortent pas tous de la comédie française, hein, ils montent une pièce, donc Roméo et Juliette, hein, un des classiques de Shakespeare, et ce qui paraît totalement invraisemblable pour lui et pour nous d'ailleurs, va se réaliser petit à petit, et le théâtre va être un petit peu son salut en fait, hein, son salut qui va lui permettre d'apporter des réponses ou plutôt même des questions à... Des réponses ou des questions, ben, ça peut être les deux, hein, ça peut être apporter la question avant même la réponse, parce que des fois on cherche la réponse mais on n'a pas la question, et c'est un petit peu ça, et donc on voit cet effritement de toute sa vie mais qui se reconstruit en même temps. C'est très paradoxal mais c'est très beau, enfin moi j'ai adoré ce film. J'ai été extrêmement choqué de savoir que c'était un film américain, je tiens à le préciser, c'est affreux de dire ça, mais bon, c'est la vérité. À tel point. Ah non, mais vraiment, et dès le début, on est dedans, quoi. Dès le début, c'est très très touchant, sans être mièvre, hein. C'est pas Un jour sans fin ou Partir un jour, là, je sais pas. Voilà, donc c'est un film que je vous engage à aller voir, parce qu'il est d'une beauté assez absolue. Et moi, je vais juste finir avec The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Bon, évidemment, Wes Anderson, on ne le présente plus, mais peut-être qu'il faut le présenter. C'est un réalisateur avec un style très à lui, qui a un style très symétrique dans ses plans. Il a notamment réalisé Fantastic Mr. Fox, Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, L'île aux chiens. Beaucoup de films très connus, et il arrive donc mercredi prochain 28 mai avec son nouveau film The Phoenician Scheme, un film d'espionnage où on retrouve au casting Benicio Del Toro, Mia Friel-Pleton, Michael Cera, Tom Hanks, Bill Murray. Le film est actuellement en projection à Cannes, il même y concourt pour la Palme d'Or ou du moins pour les prix qui l'entourent. On verra ce qu'il remporte, en tout cas une petite affaire à suivre. Eh bien, il nous reste un peu de temps. Je voulais juste rappeler que Arinsky, le monsieur qui présentait l'émission avant nous, voudrait lancer une campagne anti-tabac. Désolé, Mathis, hein, mais il faudra... C'est une blague. Ça va aller. C'est une blague. C'est pas le bonjour, on a dit. C'est-à-dire, précise. Non, mais il veut que les mercredis, les personnes ne fument pas et ne mangent pas de viande. Voilà, partir un jour. Va manger de viande. Moi, ça me convient, ça coûte moins cher. Hein. L'autre aussi, oubliez cet argument. En tout cas, je peux me passer de viande. Du reste, j'en suis moins sûr. Voilà. Ça va aller. Arinsky de Caricature du Monde, CDM, son émission qui est juste avant nous. Voilà, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Merci Mathis. Merci. Merci à toi. Merci Clarisse. Avec plaisir. Eh bien écoutez, on se retrouve le 18 juin, pendant la sortie de Nicap. Venez nous rejoindre pour les maudites, pour l'escape game, vous allez bien rigoler. Juste après le bac. Être parfait. Du 16 au 18, ça va être parfait. Nickel. Eh bien on te souhaitera un bon courage. Super. Bon courage. Pas tout de suite, on a dit. Eh bien, au revoir tout le monde. Merci. Bisous. Ciao. Merci. Merci. J'oublie les remerciements, mais je voulais remercier quand même Dio et Radio Dio et Sabrina pour nous offrir ce temps d'antenne. Et ce merci Sabrina. Et puis, on vous laisse avec un replay de Plus Fort, J'entends Rien. Au Happy Day. Au revoir. C'est fini, oui. C'est fini, oui. Oh putain, on s'en va. C'était vraiment très intéressant. Radio-dio.org